à peu de frais, tout sans à la foire. On peut payer ce curiosité. On vaut des jus à ne point y croire. D'abord Véhange décapité. Pour un sou on VO un tiette. Quel fait j'ai peur à crame un monde. Le étau latin sans assiette. Tout comme un vrai fromage d'Hollande. J'ai ton curieux en vérité. Décapité. J'ai ton curieux en vérité. Décapité. J'ai ton curieux en vérité. Décapité. Et pour entrer d'un chœil au baraque, n'y avons un colis d'or profond. Et pour ta mieux vous donner frac, n'y avons qu'un petit lampe au fond. J'ai tôt voûté tout comme un café. Avec Chahine fait jo point clair. On est tôt saisi comme Galaf. J'ai tôt comme un cachot copière. J'ai tôt curieux en vérité, Boche, décapité. J'ai tôt curieux en vérité, Boche, décapité. Enfin tout un monté plaché. On sonne et on ouvre un rideau. Et un baraquin pour que mûcher. F black pour allonger, F cordio. Sur F tant qui dit Joe des bâtisses. Flac un farce de huit sociétés. Un passant jette un punchy de prier. Susine et d'a décapité. J'ai ton curieux en vérité. Pété, décapité. J'ai ton curieux en vérité. Pété, décapité. Avec une main chez Iséance, un volant fer par l'échelle tiède. Mais l'autre n'a vaut point d'autre réponse. Fais joachi dans son assiette. Nous avons ri comme des bochus. Avec échelle tiède et l'air nué. Et chez comme chat qu'on a vu F juste. J'y t'arrive tête tout armé. J'ai ton curieux en vérité. Décapité. J'ai ton curieux en vérité. Décapité. F n'a rien perdu en pratique, car on y retournait F lendemain. Avec des cartes, on donne boutique, pour mieux s'assurer du machin. On avoue chacun en soufflette, et des balles de papier mâché. On souffle au chartre, je l'entiète, mais pas mal le F ça fâché. J'ai ton curieux en vérité, décapité. J'ai ton curieux en vérité, décapité. J'ai ton curieux en vérité, péché, et décapité. J'ai ton curieux en vérité, péché, et décapité. Un CD en défarce la sorte, le baraquin tout en colère. F nous a mis terre tout, hype porte, mais chacun a votre vue F mystère. On sait qu'ils ont les trucs du diable, l'homme qui vio F décapité. Passe au stiette, pas trop de cheveux tape. Malgré ça, on peut répéter. J'ai ton curieux en vérité. Hey, hey.